pour chez Pac. Tu pisses l'esto en trade sur Snap. Et non, c'est pas comme ça. Toi, tu tires, tu braques, ça va. Arrête de te prendre pour chez Pac. Tu pisses l'esto en trade sur Snap. Et non, c'est pas comme ça. J'ai la tête dans les étoiles. Mon poteau, je pense à toi des fois. Toutes ces parties de ceux que je comptais sur les doigts. Des fois, il faut faire des choix. J'aime pas blesser les gens, tu me connais. J'aime pas faire le voyou au téléphone. À l'ancienne, tu me voulais du mal, tu me remets. J'ai pas fait le mec qui te calculait pas une seconde. Je me mets dans mon coin, j'emberge des voix. Tout ce que je dis sur moi, j'ai mal à la tête. Ils m'ont trahi, je suis un homme, tu pleures des soirs. Je suis obligé de me mettre bleu pour faire la fête. Il a fallu que je perde une vingtaine de potes pour me dire ça y est, je fais plus confiance à des gars. J'aurais coulé si j'aurais écouté les autres. Ils m'auraient tous empêché de faire le bain. Toi, tu tires, tu braques, ça va. Arrête de te prendre pour chez Pac. Tu pisses l'esto en trade sur Snap. Et non, c'est pas comme ça. Toi, tu tires, tu braques, ça va. Arrête de te prendre pour chez Pac. Tu pisses l'esto en trade sur Snap. Et non, c'est pas comme ça. J'ai la tête dans les étoiles. Mon poteau, je pense à toi des fois. Toutes ces parties de ceux que je comptais sur les doigts. Des fois, il faut faire des choix. Mon bébé, je manque de toi. Je suis au top quand je suis dans tes bras. Je me réveille avec ton parfum dans les draps. On sourit quand on a des problèmes. On vit, on se dit que ça ira mieux demain. Moi aussi, faut que je déguste. Que je bande en yacht, que je nage avec les dauphins. Ils ont voulu faire un coup monté. Je vis là-bas qu'ils les ont remontés. Si tu montes en faiblesse dessus, ils veulent te monter. Faut que je me taille, ouais, faut que je me taille. Franchement, c'est pas mérité. Y'en a, j'ai tout donné pour eux, je les ai plus vus depuis. Je blesse quand je dis des vérités. M'en voulait pas moi, je reste comme je suis. Toi tu tires, tu braques, ça va. Arrête de te prendre pour chez Pac. Tu pisses l'esto en trade sur Snap. Et non, c'est pas comme ça. Toi tu tires, tu braques, ça va. Arrête de te prendre pour chez Pac. Tu pisses l'esto en trade sur Snap. Et non, c'est pas comme ça. J'ai la tête dans les étoiles. Mon poteau, je pense à toi des fois. Tu faisais partie de ceux que je comptais sur les doigts. Des fois, il faut faire des choix.